Marco Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. La radio-télévision Isanganiro décerne ce samedi pour la 11e édition le trophée d'Isanganiro Award qui récompense le meilleur musicien burundais de l'année. L'occasion pour le président de la commission d'organisation de ces cérémonies d'appeler le gouvernement du Burundi et les entreprises commerciales à investir davantage dans la promotion de la musique burundaise. Vous entendrez Eric Ndouayo. Entre-temps, le monde des artistes pleure la mort la nuit dernière du musicien burundais Ahishaki Saidi, connu sous le nom de Saidi Braza. Nous reviendrons sur quelques éléments de sa biographie. Et le président de la République, Evariste Ndayishimiye, clôture un forum national des jeunes qui se tenait au stade Ingoma de la capitale politique Gitega. Sa moralisation était axée sur le changement de mentalité afin de se préparer à un avenir meilleur. Et en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de 2003-2010 et l'ex-chef de guerre, intègre le nouveau gouvernement comme vice-premier ministre et ministre de la Défense. Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi est nommé à l'économie au rang lui aussi de vice-premier ministre. Le remaniement ministériel est intervenu hier. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour. Le manque de matériel et l'ingérence de certaines autorités dans les affaires pendant en justice sont certains défis auxquels font face les présidents des tribunaux de résidence dans la région Nord. Ils l'ont dit ce jeudi lors de la clôture d'une formation de 2 jours qui avait été organisée à Kayanza par la Commission nationale des droits de l'homme. Dr Sixte Vigny Nimuraba, président de cette commission, exprime sa confiance quant à l'indépendance de ses magistrats après cette formation. C'est un reportage de Jean-Marie Vianney Ngendakumana de retour de Kayanza. Sixte Ranika, président du tribunal de résidence de Bugabira en province Kirundo, l'aide participant à cette formation indique qu'ils ont positivement apprécié les enseignements reçus, notamment la gestion de la justice administrative. Il précise également que l'ingérence de la justice par certaines autorités est le défi majeur auquel fait face la justice burundaise. Nous avons appris beaucoup de choses, notamment la gestion de la justice, la gestion administrative de la justice, la collaboration entre la justice et l'administration. La bonne collaboration. Et quels sont les défis au sein de votre métier? Les défis majeurs que nous connaissons, il y a entre autres le manque de moyens matériels et parfois l'ingérence des autorités administratives dans les activités de la justice. Il demande à la justice de travailler en toute indépendance. Ce que je demanderais, c'est que la justice puisse travailler en toute indépendance et avec Docteur Sixte Vigny Nimuraba, président de la CNDH, fait savoir qu'il est confiant que les magistrats vont travailler conformément à la loi après cette formation. La première attente, c'est que la justice soit garantie pour tous et que la population bénéficiaire des services de la justice ait confiance en la justice. Et la deuxième chose qu'on attend, c'est que les magistrats eux-mêmes soient conscients des choses qui ne vont pas bien et qu'ils puissent prendre des décisions de leur initiative qui vise à changer l'image pour redonner l'image à la justice, mais aussi redonner l'image du pays, parce que si la justice ne va pas bien, même le pays ne va pas avoir une bonne image ici ou à l'étranger. Cette formation a été organisée à l'intention des présidents des tribunaux de résidence de 4 provinces du nord du pays, à savoir Kayanza, Ngozi, Muyinga et Kirundo. Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Le gouvernement du Burundi et les entreprises commerciales devraient investir dans la promotion de la musique burundaise. Eric Ndouayo, président de la commission d'organisation d'Isanganiro Awards, lance cet appel ce vendredi à la veille de la proclamation du gagnant de cette compétition pour sa 11e édition. Il explique que la musique burundaise occupe une place de choix dans le patrimoine culturel du pays. On écoute. Pour nous, du côté préparatif, on est très bien et je pense que ce que nous attendons, c'est juste le temps pour que cette soirée soit arrivée et que tout le monde puisse savoir qui a gagné Isanganiro Award pour la 11e fois. La radio Isanganiro est une institution qui s'est chargée comme objectif de promouvoir les artistes burundais. Donc, ce que nous avons fait dans notre domaine, c'est juste cet effort que nous continuons à fournir pour que demain ou après-demain, nous puissions arriver à un moment satisfaisant où l'artiste pourra certainement vivre grâce à son œuvre. Dans les états généraux du ministère ayant dans ses attributions la culture, ont reconnu que Isanganiro Award est l'un des événements très importants pour le pays. Pour nous, je pense que notre place dans le pays est très importante. Le mot à dire est très simple, c'est de soutenir les artistes burundais. L'artiste burundais a une place prépondérante dans le pays et dans le développement. Nous voyons soutenir les artistes burundais, c'est investir pour le bien-être du pays, pour le développement du pays. Les artistes, d'ailleurs, qui chantent dans des langues qui ne sont pas les nôtres, qui ont des cultures qui ne sont pas les nôtres, envahissent souvent notre culture et notre langue, ce qui veut que la jeunesse puisse un peu se sentir coincée entre les deux, entre le marteau et l'enclume, comme on le dit souvent. Donc, c'est pourquoi, quelquefois, on observe des comportements un peu bizarres à l'endroit des jeunes. Mais si nous soutenons nos artistes qui vont exposer notre culture, si nous soutenons les artistes qui vont vendre notre langue, les fans burundais n'auront plus besoin de s'apprêter des langues venant d'ailleurs. Donc, on aura construit quelque chose d'important pour la génération actuelle et la génération future. Je veux donner un clin d'œil aux organisations, aux entreprises, de soutenir les artistes. Le gouvernement burundais à agir pour que l'artiste burundais soit reconnu comme étant un pilier pour le développement et que nous puissions investir en lui pour pouvoir gagner quelque chose afin de construire notre pays. Eric Ndouaïo, président de la commission d'organisation d'Isanganiro Award. Je vous l'avais dit dans les titres, le monde des artistes pleure la mort la nuit dernière du musicien burundais Saïdi Braza, qui n'est plus de ce monde. Il s'est éteint la nuit de ce jeudi à vendredi à l'hôpital d'Ongozi, la ville qu'il a vu naître. Léon Suitali revient sur quelques éléments de sa biographie. De son vrai nom, Ahishaki Saïdi, ce musicien est né en 1974 à Rusuguti, un quartier de la ville de Ngozi, dans une famille de 10 enfants. Braza commence à chanter et sort son premier album intitulé Twiganirira en 2003. 2007, il sort Wurikukie, son deuxième album. Il sera très salué et apprécié pour sa chanson éponyme avec des images du prince Louis Gwagasore qui a lutté pour l'indépendance du Burundi. Vous saurez que notre station l'avait invité pour participer aux cérémonies de remise du trophée Isanganiro Award qui se déroule ce samedi pour la 11e édition. Il avait bien accueilli l'invitation et de répondre qu'il était alité pour des ennuis de respiration. Son inhumation se déroule en ce moment en Ngozi, comme le veulent les mœurs musulmanes. La radio-télévision Isanganiro se joint à sa famille et à celle des musiciens burundais pour adresser ses sincères condoléances à ses proches. Que la terre lui soit légère. Merci Léon Suitali. Il est 13h05 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le Forum national des jeunes que le président de la République est en train de clôturer se tient au stade Ingoma de la capitale politique. Gitega est parmi les participants. Un Burundais du nom de Célestin Harambe, fonctionnaire à la Banque africaine de développement BAD, qui appelle les fonctionnaires à s'atteler aux activités d'autodéveloppement, dont l'élevage, comme il le fait lui aussi en Côte d'Ivoire. Il est prévu que le président de la République, Evariste Ndayishimiye, dispense des enseignements aux jeunes choisis pour ce qu'ils font, comme l'agriculture, la musique, le commerce et d'autres activités. Cette séance de moralisation est axée sur le changement de mentalité afin de se préparer à un avenir meilleur. Les habitants de Mugoboka dans le quartier Mutanga Sud éprouvent des difficultés de déplacement après que le ravin ait envahi la route reliant les cellules Mugoboka 1 et 2. Ceux qui se sont exprimés ce jeudi indiquent que le passage provisoire qu'on a pu trouver n'est pas sûr. L'administration à la base confirme cet état de fait et informe que la priorité est de rechercher un passage sûr. Jean de Dieu Irakodze. Après la fermeture de la route reliant Mugoboka 1 et 2, des difficultés de circulation se font sentir pour la population de ces localités. Pour cet habitant, le passage trouvé pour déviation n'est pas sûr. Les ministres sont venus faire le constat ce samedi et ils nous ont informé qu'ils nous sont menacés. Nous demandons de voir comment nous aider car le passage de déviation est difficilement accessible. On passe au-dessus d'un canyon. Va tracer derrière ce centre de santé. Néanmoins, il est difficile d'y passer. Même son de cloche pour le chef du quartier Mutanga Sud qui indique que la priorité est de retrouver un passage sûr. On est passé par des habitations. Nous leur avons demandé un passage provisoire, un passage effectif n'est pas encore trouvé. Et là où ils doivent passer pour arriver à destination, c'est un long trajet. Vous comprenez que la vie a été presque arrêtée et il serait très difficile pour nos enfants élèves de rentrer à la maison quand la pluie tombe, puisque les enfants sont tenus en outre de faire de longs trajets, ils peuvent s'absenter à l'école, ce qui engendre des pertes au niveau des connaissances. Cette route a été fermée par l'administration sur injonction de la police de la protection civile suite au ravin qui l'a envahi. Un reportage de Jean de Dieu, il a causé. Plus de 3000 familles des communes de Boussoni et Guitové bénéficieront des marais bien aménagés dans l'objectif d'accroître le rendement du riz. Cela a été annoncé ce jeudi par Diomède Niyohire, directeur général de la planification de l'aménagement du territoire, de l'irrigation et du patrimoine foncier. Et c'était lors du lancement officiel de l'aménagement des marais de Mouhembouzi en commune Boussoni et Ndourouma en commune Guitové. Cette activité s'étend sur une période de 4 ans et est financée par le Royaume de Belgique à hauteur de 2 650 000 euros. Correspondance d'Abraham Safari depuis Kirundo. C'est ce jeudi en commune de Boussoni, province de Kirundo, qu'a eu lieu le lancement officiel de l'aménagement des marais de Mouhembouzi en commune de Boussoni et Ndourouma en commune de Guitové. Selon le coordinateur du COPED, organisation qui va mettre en exécution ce projet d'appui au développement de l'irrigation PADI en sigle, il vient pour répondre aux attentes du gouvernement afin d'accroître la production que la bouche ait à manger et la poche de l'argent. Quant au chef de cabinet du gouverneur, Eric Ndoyezou, la population n'a pas besoin des organisations dont les activités sont sans effet. Il a interpellé cette dernière de poser le regard strict sur les réalisations de cet aménagement pour alerter si nécessaire lors de la défaillance de l'entreprise d'exécution. Pour le représentant du gouvernement lors de ce lancement, le directeur général de la planification, aménagement du territoire, des marais et du patrimoine foncier, Diomède Niyohire, ce projet qui s'étendra sur une période de 4 ans à partir de l'an passé de 2022 prendra fin en l'an 2026. C'est un projet, a-t-il continué, qui est financé par le Royaume de Belgique via l'organisation APF sur une enveloppe de 2 650 000 euros. Il a terminé en s'adressant plus particulièrement à la population bénéficiaire que l'administration ainsi que l'administration de s'approprier des œuvres qui leur sont fournies. Quant à la population bénéficiaire, elle a salué l'initiative du gouvernement, mais a demandé que la mise en œuvre soit effective et rapide pour libérer ces marais qui leur donnent de quoi à manger. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Actualité internationale. À 13h10, à Bujumbura et sur Isanganiro, nous ouvrons la rubrique internationale de ce journal en commençant par la RDC. Un remaniement du gouvernement a été annoncé dans la nuit de ce jeudi à vendredi en République démocratique du Congo. Maintenant en fonction le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, mais redessinant l'équipe ministérielle à 9 mois de la prochaine présidentielle. Parmi les nouveaux poids lourds du gouvernement figurent Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de 2003 à 2006 et ex-chef de guerre, a été nommé vice-premier ministre et ministre de la Défense. Jean-Pierre Bemba avait été condamné à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour des crimes commis en République centrafricaine avant d'être acquitté en appel en 2018 au terme de 10 ans d'emprisonnement. Autre retour en grâce, Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, condamné en 2020 à 20 ans de prison pour détournement de fonds avant d'être acquitté en appel en 2022. Il a été nommé à l'économie, au rang lui aussi de vice-premier ministre. Hors du continent, les forces américaines ont mené ce jeudi des frappes aériennes de précision dans l'est de la Syrie après une attaque de drones d'origine iranienne qui a tué un Américain et en a blessé 6 autres. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi soir le Pentagone. Les frappes américaines ont ciblé un dépôt d'armes à l'intérieur de la ville de Deir ez-Zor, tuant 6 combattants pro-iraniens. 2 autres combattants ont été tués par des frappes dans le désert de Mayadin et près d'Al-Bukamal, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme cité par l'agence France Presse. 13h12 à Bujumbura et sur Isanganiro, un rapide rappel des titres avant de nous séparer. La radio-télévision Isanganiro décerne ce samedi pour la 11e édition le trophée d'Isanganiro Award qui récompense le meilleur musicien burundais de l'année. L'occasion pour le président de la commission d'organisation de ces cérémonies d'appeler le gouvernement du Burundi et les entreprises commerciales à investir davantage dans la promotion de la musique burundaise. Entre-temps, le monde des artistes pleure la mort la nuit dernière du musicien burundais Aishaki Saidi, connu sous le nom de Saidi Braza. Et le président de la République, Evariste Ndayishimiye, clôture ce vendredi un forum national des jeunes qui se tenait au stade Ingoma de la capitale politique Gitega. Sa moralisation était axée sur le changement de mentalité afin de se préparer un avenir meilleur. Et je viens de vous le dire, en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de 2003 à 2006, l'ex-chef de guerre, intègre le nouveau gouvernement comme vice-premier ministre et ministre de la Défense, alors que Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, a été nommé à l'économie, au rang lui aussi de vice-premier ministre. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco, Douimana. Un très bon après-midi.